1, 2, 1, 2. vous calmer un peu là? Oh, vous allez vous calmer un peu là? Hey, oh, calme. Allez, tout le monde tape dans ses mains. Thank you. pas y jouer ça. Oh, je suis nul. Bon, je vais faire un truc de basse à la Benji, hein, d'accord ? Ouais, Titi, on fait un truc de basse, n'importe. Allez, attends, j'ai essayé de faire quelque chose. Là, je suis dans le blanc. Feuille blanche. Sans ce qui paraît, je suis fou. J'ai de la malice, mais pas de ralice. M'en fous, je veux juste ma mise. Je rappe pour le love, je suis même pas anti-police. Y'a des CRS pacifiques, dès qu'on est pas si flic que ça. Je rappe, je te sauve. le bassiste ira. Je déconne 30 secondes.